me souffrir comme ça. Tu me fais souffrir combien. Tu sais, je veux te dire quelque chose. C'est l'union qui fait la force. Tu peux épouser un Gabonais. Tu peux épouser un Malien. Tu peux épouser un Zaïrois. Un Sénégalais. Un Guinéen. Un Togolais. C'est le tabac de la même. Mais toi, je te dis ça, tu veux pas pourquoi. Faut pas qu'il y ait de séparation entre vous. Vous savez qu'aujourd'hui, toi, tu épouses un Camerounais. Un Ivoirien, ce mélange-là fait l'union. Et ça montre que, entre nous, il y a vraiment l'union. Et cette union fait la force. Je veux te raconter l'histoire. Moi, je raconte toujours des histoires. Ne vous étonnez pas de moi, je m'appelle Pierre Boutoyer. Moi, quand j'étais au débutant pour élémentaire, on apprenait quelque chose. Vous savez ce qu'on apprenait? Écoutez ce qu'on apprenait. Battez les mains. Battez les mains avec moi. Écoutez-moi ça. Toto tire la main. Nama tire toto. Toto tire la main. Tire la main, tire la main, tire la main.